étant donné que je n'ai rien à vous confier, mis à part le fait qu'il fait gris et que j'ai des glaires au fond de ma gorge, une reprise est de rigueur. J'aimerais que ce télégramme soit le plus beau télégramme de tous les télégrammes que tu recevras jamais. Et couvrant mon télégramme, tu te mets à pleurer. Je sais que ce télégramme est le dernier télégramme. Tous les télégrammes que je t'enverrai jamais. Tu auras ce télégramme par le post-office anglais. J'aimerais que ce télégramme soit le plus beau télégramme de tous les télégrammes que tu recevras jamais. Découvrant mon télégramme, tu te mets à pleurer. Je sais que ce télégramme est le dernier télégramme de tous les télégrammes que je t'enverrai jamais. Tu auras ce télégramme par le post-office anglais. Comme mes autres télégrammes, par Overseas Telegram et le post-office anglais.